Je suis pas toi, Rennes, ça va non. Tu peux compter sur moi, Mathieu Giroud. Dans les bons moments comme dans les coups durs. Main dans la main, on traversera tout. Ensemble jusqu'au bout, toi et moi, c'est sûr. Mathieu, mon ami, mon frère de cœur. À travers les vents, à travers les heures. Dans nos rires et nos larmes, toujours présents. Dans cette grande, grande aventure, toi et moi, vaillamment. Tu peux compter sur moi, Mathieu Giroud. Dans les bons moments comme dans les coups durs. Main dans la main, on traversera tout. Ensemble jusqu'au bout, toi et moi, c'est sûr. Dans nos rêves les plus fous, dans nos ambitions. Ta force et ta foi sont ceux d'inspiration. Et si un jour, mon ami, tu veux réaliser le rêve d'épouser une princesse africaine, je serai là pour t'encourager. Dans la lumière du soleil levant, dans l'ombre des nuits étoilées en chantant, nous marcherons côte à côte, main dans la main. Car dans cette belle amitié, rien ne nous retient. Retiens, Mathieu, mon ami, cette chanson est pour toi. Notre amitié si précieuse. Oh, oh, oh, oh. Tu peux compter sur moi, Mathieu Giroud. Dans les bons moments comme dans les coups durs. Main dans la main, on traversera tout. Ensemble jusqu'au bout, toi et moi, c'est sûr. Mathieu, mon ami, cette chanson est pour toi. Pour notre amitié si précieuse.